Pardon, madame, ce tram va bien à la gare ? Oh non, monsieur. Vous devez changer à Hôtel de Ville et prendre un autre tram. La ligne A, direction Jean Jaurès. Regardez le plan. Ah oui, merci. Je vois maintenant. Est-ce que je peux garder le même ticket ? Oui, bien sûr. Vous pouvez prendre une correspondance avec ce ticket. Ah merci, madame, c'est gentil.